Je sais pas ce qui se passe. Ok, on va recommencer au complet, tiens, ok? Parce que là, j'ai eu un problème technique, ça a raccroché, puis ensuite, là c'est reparti. 5-4-3-2-0. On sait que hier à danradiosport.com, on a parlé avec un jeune qui s'appelle Elliot Beaulieu, un jeune de la Mauricie. Et Elliot a écrit personnellement au premier ministre pour demander au sport de réouvrir le sport scolaire et ainsi de suite, parce qu'évidemment, pour les saines habitudes de vie, également, ça les aide à le socialiser. En ligne, un gars qui s'est battu longtemps pour le sport, il en était quasiment fatigué pour les plus vieux, je dis ça à la blague. C'est Pierre Lavoie. Salut Pierre! Hey, allô! Ça va, Pierre? David? Oui, ça va bien, ça va bien, Pierre. Hey Pierre, dis-moi, je sais pas si tu as pris connaissance de la lettre d'Eliott Beaulieu qu'on a pris hier, qu'on a eu en entrevue hier à danradiosport.com. Tu dis quoi à ce jeune-là? Ben oui, j'ai pris connaissance de la lettre. Effectivement, c'est un cri du cœur d'un jeune qui sont plusieurs dans son cas, là, que l'école pour eux, c'est l'environnement qui rend heureux. Hein. Parfois, c'est le sport, d'autres, c'est les arts, d'autres, c'est la musique. Donc, l'école, c'est un milieu de vie. Et de perdre cet environnement, pour eux, c'est... Pourtant, il y a certains jeunes qui poursuivent l'école, bien entendu, mais on a enlevé tout ce qui était agréable à l'école. C'est pour ça que c'est difficile pour eux, présentement. Donc, ce jeune reflète pas mal à la majorité des jeunes qui vivent cette période qui semble s'éterniser. On s'attendait pas à une deuxième vague aussi forte. Moi-même, le premier... J'étais convaincu qu'on allait aller en s'améliorant, mais là, on se rend compte que d'avoir remis un environnement non favorable pour les jeunes à l'école, c'est très, je dirais, préoccupant. Parce qu'on sait qu'après les fêtes, là, les bulletins vont arriver. Là. Le bulletin arrivera en janvier et on sait qu'il y a 30% des élèves au Québec qui sont en situation d'échec, comparativement à 10% habituellement. Donc, il y a des cris de tous ceux qui travaillent autour des écoles, et ceux qui travaillent dans les écoles, il y a une situation alarmante présentement. Est-ce qu'on est en train de perdre une génération de jeunes? Je dirais plutôt que c'est peut-être une période pour réfléchir et se dire, quand on arrive à une situation difficile, qu'on ait 14 ans, 13 ans, ou 18 ans, ou 32 ans, ou 70 ans, souvent je dis aux gens, c'est qu'on appelle ça de l'inconfort. Hein? C'est une situation qu'on ne souhaite pas, qu'on subit. Et à ce moment-là, on développe de la résilience. Donc, tout ce que je pourrais dire à ces jeunes, c'est c'est pas les bras. Cette période-là va vous rappeler que comment c'est important pour toi de bouger. Un jour, tu pourras reprendre tes activités. C'est pas parce qu'on t'a arrêté pendant un an et demi que maintenant, là, c'est fini, t'en feras plus jamais de ta vie, là. Mais ou décrocher à l'école. Au contraire, c'est sers-toi-en comme quelque chose de positif et de constructif, en disant que t'es pas le seul à subir ça. Il y a des personnes qui décèdent présentement, beaucoup de monde qui meurt. On est au-dessus de 7000 morts maintenant. Regardons la façon en disant, il faut que j'arrête de me regarder moi, il faut que je regarde le problème dans sa globalité. Donc, on a un problème majeur qui touche toute la planète, et c'est sûr qu'on est touchés tous personnellement. Toi, tu penses, à différents niveaux. Pierre, tu penses à un adulte, mais un jeune de 15, 16 ans, 13 ans, 12 ans, 14 ans, 16 ans, pense pas comme tu dis là. Es-tu d'accord avec moi? Je suis d'accord, mais c'est le rôle justement des gens autour, des enseignants, des parents, des entraîneurs, de leur dire que c'est une belle occasion. La semaine passée, j'ai eu la chance de parler on m'a donné l'occasion de parler aux athlètes des Olympiens canadiens francophones qui, eux, n'ont aucune idée si les Jeux auront lieu, s'entraînent un peu sans compétition, essaient de garder leur motivation, puis eux, ils ont mis leur vie là-dedans. Là. C'est pas au quotidien, je fais du sport, puis j'aime ça, j'aime l'école parce que je fais du sport, c'est leur vie, c'est même leurs études ont été mises de côté. Et là, ils sont dans le néant total. Ils vivent quelque chose d'extrêmement frustrant, d'instabilisant, dans une période où ils n'ont pas 32 ans puis 40 ans, non. Ils ont 18, 19, 20, 21 ans. Ça fait 5, 6 ans, 7 ans qu'ils s'investissent. Et là, tout à coup, tout s'arrête et l'environnement a changé totalement. Oui, Pierre. Moi, je leur disais que c'est bien beau tout ça, sauf que tu suis comme moi le dossier de la COVID, là. Tu sais très bien, Pierre, que les jeunes ne sont pas à risque. Il n'y a aucun mort au Canada actuellement. Là. Donc, la COVID, là, ça touche les personnes de 60 ans et plus. Il faut les protéger, ces gens-là. Mais les personnes plus jeunes, là, les jeunes qui sont... Ils sont pas à risque. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Donc, pourquoi pour leur... On est d'accord. Hein? Bien, ça, on est d'accord. C'est juste que le problème, c'est quand ils reviennent à la maison, Là, ouais. Ma fille, quand elle revient, est en secondaire 5, quand elle revient à la maison, elle peut me donner le COVID. Moi, je suis en train de monter à Montréal, je vais rencontrer des gens. Je peux donner le COVID à une autre personne, ce qui fait que finalement, ils sont quand même contaminants, les jeunes. Mais moins que les adultes, on le sait maintenant. Mais moi, je pense qu'il faut se fier aux données probantes. Il faut dire que la situation achève. Les vaccins s'en viennent. Les personnes vulnérables seront vaccinées assez vite pendant les fêtes et après les fêtes. La pression va diminuer et je pense que nos jeunes vont reprendre une vie assez normale d'après-midi à partir de mars et avril, là, je pense. Donc, on faut vivre d'espoir. Ça, c'est très important. Dans une situation négative, moi, j'en ai vécu des très négatives. Ce qui me tenait, c'est qui fait qu'on se levait le matin puis qu'on continuait, c'est qu'on vivait d'espoir, souvent de peu d'espoir. À la fin, on perdait un enfant, mais on restait accroché pareil. On en perdait un deuxième. Et on baissait pas les bras. Puis finalement, à la fin, on arrivait avec une découverte qui était le gène et ensuite un dépistage. Puis aujourd'hui, je me rends compte que de ne pas avoir baissé les bras, d'avoir affronté, confronté, j'allais développer beaucoup de résilience. Donc, c'est le message qu'on doit dire à nos enfants. Nos enfants, excuse-moi, là, on les a pas mal tous élevés dans la ouate, là, en général. Présentement, on vit une situation qui est très désagréable. Il y a des gens qui meurent. Il faut être solidaire. Je sais que moi, j'étais le premier à dire laissez les jeunes bouger parce qu'ils sont pas à risque. Ben, c'est ça, justement. Est-ce qu'on pourrait là, faire... parce que c'était ma prochaine question. Ben, moi, je pense est-ce qu'on pourrait faire plus, donner plus d'environnement? Le problème qu'on a, là, je vais le dire, le problème qu'on a, c'est qu'on habitue nos jeunes à faire des sports organisés, structurés, avec de l'encadrement. Et tout ça est plus permis. Donc, il te reste quoi? Ben, il te reste. Le seul endroit où on peut le pratiquer sans danger, c'est à l'extérieur. Mais on n'est pas habitué à l'extérieur. On veut des gymnases. Ouais, on veut un encadrement. Ouais, mais là, t'as peur, là. Tu dis ça, là, à l'extérieur. Tu dis ça, mais on est même plus. Jouer au hockey dehors, comme quand on était jeune, c'est même interdit par le gouvernement. Pierre. Ouais, sur une patinoire. C'est fort un peu, là. Tu trouves pas que c'est fort un peu, là? Ouais, mais. Oui, mais tu peux faire du ski de fond. Tu peux aller courir à l'extérieur. Tu peux aller faire de la raquette. Tu peux faire du fat bike. Tu peux aller marcher. Tu peux faire plein de défis. Parce qu'on se ramène toujours à notre sport d'exclusion, là, qui est le hockey. Ouais. Mais excuse-moi, là, mais le hockey, premièrement, il faut que tu aies de l'argent pour jouer au hockey. Là. Ouais, mais... Moi, j'ai pas joué au hockey parce que ma mère était sur l'aide sociale. Puis jouer au hockey, ben, ça prend un équipement pour t'inscrire dans un club. Donc, quand tu es sur l'aide sociale, tu peux pas jouer au hockey. Donc là, tu me parles d'un sport d'exclusion. Ouais, mais... À moi, les sports qui font bouger tout le monde, ben, les sports du soccer, que ce soit tu veux jouer du soccer à l'extérieur même l'hiver, on peut jouer au hockey dehors sans but. Regarde, tout ce qu'ils veulent, c'est que. On peut se faire des passes, on peut profiter pour corriger nos défauts. Moi, je me rappelle quand j'avais des blessures en triathlon, qu'est-ce que je faisais dans mes périodes longues? Je pratiquais un élément où j'avais une faiblesse. Donc, j'en profitais pour me consolider. D'ailleurs, je vois les athlètes qui reviennent présentement en compétition à travers le monde. Ils sont tous en train de dire qu'ils n'ont jamais été aussi forts. Pourquoi? Parce qu'on les a fait briquer un peu, récupérer, faire une base sans pression, puis quand ils reviennent, ils sont beaucoup plus forts. Ce que je veux dire là, par tout ça, là, c'est qu'on peut bouger autrement que dans un sport organisé parce que la situation actuelle, elle n'est pas idéale pour ça. Puis là, nos arénas sont fermées. Oui, nos piscines, c'est plus difficile. Mais quand on a appris nos jeunes à faire seulement un sport, on l'a spécialisé, bien là, ils étaient un petit peu dans un entonnoir, dans un cul-de-sac. Mais si on leur a appris à faire plein de sports différents, comme les pays scandinaves font, on aurait les enfants, « Ah, OK, je peux pas jouer au hockey, mais je vais quand même aller jouer au soccer. Ah, je pourrais aller faire du ski alpin. Ah non, mais je pourrais aller faire du ski de fond. Je pourrais aller... » Parce qu'eux ont appris plein de littératie physique. Donc, ce que je suis en train de dire, c'est que notre modèle sociétal, le COVID est très mal adapté à notre situation sociétale. Donc, on est impacté d'une façon directe. Les jeunes, les premiers touchés, c'est eux. C'est triste pour eux. Moi, j'aimerais leur dire, est-ce qu'on est capable, soyons brillants. Hein? C'est comme moi, le COVID, je suis comme tout le monde, il m'a donné plein de restrictions. Mais j'ai réfléchi et j'ai continué à être actif. Ce que je veux dire, Pierre, moi, j'étais d'une patinoire à Saint-Augustin ou Lac-Saint-Jean. On jouait au hockey dehors. Et aujourd'hui, mal COVID, aujourd'hui, ce serait interdit de jouer au hockey dehors pour moi. C'est fort. C'est un petit peu froid, je suis d'accord. C'est surprenant. Qu'est-ce qu'on aurait besoin de plus pour pouvoir le faire? C'est fort, tu vois. Je comprends. Non, mais je comprends très bien. Moi, je pensais pas qu'à l'extérieur, je joue au hockey. Ben ouais, mais c'est sûr qu'il y a des contacts. Oublie pas ça, là. Il y a des rapprochements, il y a des contacts, il y a de la soirée. Tu sais, il y a mené vraiment dans la peau des gens de la santé publique qui savent comment se crée une éclosion. S'ils ne permettent pas, c'est parce qu'il y a des risques. C'est comme là, je peux nager, moi. Ouais. Là, à date, il n'y a aucune piscine. Tous ceux qui nagent, Il n'y a eu aucune éclosion dans les piscines du Canada. Fait que ça, ils permettent. Mais c'est hyper strict. Moi, je nage 3 fois semaine dans une piscine. On est 20, puis divisé. Puis ça marche, il n'y a pas d'éclosion. Ça, c'est possible. Ils l'ont vu au départ, puis ils nous l'ont permis. Est-ce qu'il faut aller à 30? Je pense que oui, mais ils ne le font pas. Bon, est-ce qu'on peut ouvrir plus d'heures? Ils nous disent, on n'a pas de sauveteur. Bon, c'est OK, là, c'est un autre problème. Mais c'est pas parce que les piscines sont là, disponibles, ça bouge le monde. Puis il n'y a pas de danger dans les piscines parce que tu pleures. Donc, tu comprends? L'ami, il y a tout le temps des façons de faire. Le jeune, il écrit au premier ministre, c'est son modèle habituel qui est brimé. Je le comprends. Moi, ce que j'aimerais lui dire, trouve une autre façon. Tu as une responsabilité. Ton corps, c'est ton véhicule d'expression, va toujours bien te servir. Tu vas t'en occuper. Il te sert à voyager, à étudier, un jour avoir des enfants. Avoir beaucoup de plaisir dans la vie. Il va toujours bien te servir. Lui, c'est un joueur de basketball. Lui, c'est un joueur de basketball. Je peux te dire qu'il y a eu zéro éclosion dans le basketball. Puis c'est pas ça qui est le plus dangereux non plus. Par contre, le fait de pas l'avoir, ça cause des gros problèmes d'anxiété. Ça crée des gros problèmes de tout le monde. Il l'a dit lui-même que c'est un élève qui a pas de difficultés scolaires, puis que finalement, ben là, présentement, il y a pas grand motivation. C'est très triste, là. Ce que t'as dit là, ah, c'est... Non, mais... Ouais. C'est généralisé. Là. Il n'est pas le seul. Ouais. Ma fille m'a fait du volleyball. Là, en cours d'éducation physique par 16 jours. Mm. Avant, je jouais tous les jours 1h30. Mm. Je suis sûr qu'elle n'est pas démoralisée. Là. Totalement. Puis là, ça fait un an. Là. Ouais. Ça fait un an qu'elle ne bouge pas. Là, c'est ça. Lui, ça fait courir un peu, marcher, le ski alpin commencer. Mais elle est active. Là. Mais elle fait autre chose. Elle s'ennuie sur le volleyball. Mm. Mais la situation l'empêche de le faire. Elle comprend. Il faut comprendre la situation. Tu penses que c'est triste. Moi, je prône les centres d'études de vie depuis des années, mais là, ils semblent avoir un enjeu au-dessus de ça, supérieur, où on doit tous être solidaires. C'est important, ça. Nos enfants, là, ça va arriver dans leur vie, là. Ça va arriver souvent, là, qu'ils devront se rallier au groupe. Ça ne fera pas toujours leur affaire, mais pour des raisons sociétales, de santé publique ou éducationnelles, ou même d'entreprise, un jour, il va travailler dans une entreprise où les affaires, ce ne serait pas son affaire, mais il fait partie de tout. Et on y va ensemble, puis on réussit à atteindre des objectifs ensemble. Il va s'en rappeler toute sa vie en passant. Ah ouais, c'est sûr qu'on va s'en rappeler nous autres. Non, aussi. Non, mais. Ouais. Ouais, mais lui, là, ça va être gravé dans son disque dur pour la vie, là. Mm-hmm. Puis nous, on a vécu d'autres choses. On sait qu'on va passer à travers. On a vécu d'autres affaires dans notre vie, là. Mm-hmm. Lui, c'est probablement sa première épreuve dans sa vie, là. La première qu'il vit, c'est celle-là, là. Ouais. Je la comprends. Mais je voudrais lui dire que la vie, c'est pas une boîte. Ouais. Bien, c'est un peu des preuves. Gros, merci. Au plaisir de se parler. Notre ami Pierre Lavoie.